Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami. Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.